Ça fait quoi d'être oublié, mais putain, tout en coup. Ça fait partie du jeu d'outil, même si tu perds. Ne cherche pas la guerre contre l'Empire. Décroche. Laisse place à ton imagination. Si tu veux la chair, ce que tu veux. Impuissant, tu observes la terreuse de l'univers. Quand soudain apparaît derrière tes lèvres, un arrière goût pervers. Désespoir et de haine, à chacun sa mort, le ciment sous les veines. Sera-t-il, telle est la question. Laisse place à ton imagination. Si tu veux rester ce que tu fus. I love you.